troisième temps de notre série de la semaine de la Fabrique de l'Histoire. Aujourd'hui, le débat, faire l'histoire de la folie après Michel Foucault. Après une émission sur le jugement des fous au Moyen-Âge, c'était lundi avec Maud Ternon, puis hier nous être baladés dans le Paris de la folie au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle avec Benoît Majerus, et avant demain de nous intéresser dans le documentaire de Séverine Yatar et de Séverine Cassard au cas de Paul Teche, nous allons ce matin nous plancher sur le nouveau champ de recherche en ce domaine, près de 60 ans après la publication du maître ouvrage de Michel Foucault. Nous le faisons en compagnie de Séverine Yatar, qui a préparé toute cette semaine avec nous et qui va co-animer cette émission avec Aude Fauvel. Elle est maître d'enseignement et de recherche à l'hôpital et à l'université de Lausanne. Hervé Guillemin, il est professeur à l'université du Mans. Il est auteur, entre autres, chez Alma Éditeur, des schizophrènes au XXe siècle. Philippe Artière est avec nous également. Il est directeur de recherche au CNRS, auteur de l'Asile des photographies, et avec Jean-François Baer en 2011 d'un succès philosophique, l'histoire de la folie à l'âge classique, aux presses universitaires de Caen. Une référence, bien évidemment, au livre de Michel Foucault. Michel Foucault qui évoquait justement ce livre en 1961 sur les antennes de Radio France, qui n'était pas Radio France en 1961. Les fous étaient, jusqu'à la fin du XVIe siècle, traités de deux façons. Ou bien, enfin disons de trois façons. Ou bien ils étaient traités dans les hôpitaux et soignés comme tels avec les médicaments et les thérapeutiques de l'époque, c'est-à-dire saignés, etc. Ou bien, ils étaient enfermés. Ils étaient enfermés en général dans des sortes de citadelles, dans des tours, les forteresses qui entouraient les villes. Et ils étaient là, on les montrait, c'était des sortes à la fois d'emblèmes de terreur et de répulsion. Et puis, troisième possibilité, bien sûr, ils circulaient à l'état libre. Et on trouve dans la littérature du XVIe siècle et encore dans la littérature baroque du début du XVIIe siècle beaucoup d'allusions à ces personnages de fous qui distrayaient le public. Il y en avait même qui étaient célèbres, il y en avait qui écrivaient des livres au début du XVIIe siècle. Quelqu'un qui signait le compte de permission et qui était un fou célèbre protégé par les plus grandes familles françaises vivant à leur crochet a publié des œuvres qui sont des œuvres de délire, n'est-ce pas? Je crois justement que l'expérience tragique de la folie est tout à fait caractéristique du théâtre du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle. Enfin, la folie chez Shakespeare est quelque chose de tout à fait capital. L'intéressant, c'est justement qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, en somme avec Andromaque, on a la dernière tragédie classique qui parle encore de la folie. Et à partir de 1650, on peut dire, je crois, que la folie et la raison sont séparées dans les choses, sont séparées dans les hommes. Les hommes qui sont fous n'ont plus le droit de faire partie de la société. Et au moment où se fait ce partage, où la dissociation entre l'expérience de la déraison et l'expérience de la raison est définitivement sanctionnée, à partir de ce moment-là, la folie n'apparaît plus que comme une chose dont la raison va pouvoir s'emparer et sur laquelle la raison pourra spéculer comme sur un objet scientifique, et la psychiatrie devient possible. Voilà Michel Foucault en 1961 pour ouvrir ce débat que nous allons avoir avec vous. Séverine Yatar, bonjour. Bonjour. Avec vous, Aude Fauvel, bonjour. Bonjour. Hervé Guillemin, bonjour. Bonjour. Et bonjour Philippe Artière. Bonjour. Et donc, on vient d'entendre évidemment une archive que vous connaissez par cœur, parce que vous connaissez quasiment toutes les archives de Michel Foucault enregistrées à la radio. Philippe Artière, pour avoir fait de nombreux plongées dans les archives radiophoniques et écrites de Michel Foucault, On voit déjà quelque chose dans cette petite archive, c'est que il mélange les écrits de fous qu'il évoque comme les représentations de la folie ensemble, et c'est déjà une approche qui nous permet de comprendre quelle était l'approche de Michel Foucault, prenant des sources variées et les croisant entre elles, qui d'ailleurs a été parfois critiqué, justement pour pouvoir critiquer son maître ouvrage qui était l'Histoire de la folie. Oui, je crois que ce qui est intéressant dans cette archive, c'est que elle est de 61. Et que, du moment de la production. Du moment de la production, mais d'un moment où en fait cet énoncé, ce que dit Foucault, finalement fait entrer aussi les fous dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il les sort de la médecine. Il parle beaucoup de la littérature, mais l'histoire de la psychiatrie à l'époque, et l'histoire de la folie plus généralement, est faite par des médecins. Et c'est ça qui est vraiment le geste extrêmement fort et qui va déterminer, dont au fond nous sommes les héritiers. C'est ça, c'est-à-dire cette sortie de la médecine. Aude Fauvel, en 1961, paraît aussi un autre ouvrage important, celui de Goffman, aux États-Unis. Quelle est l'importance de cet ouvrage, qui est peut-être moins connu en France que ne l'est évidemment l'Histoire de la folie de Michel Foucault, et en quoi ces deux ouvrages, selon vous, sont-ils à la source justement des réflexions des historiennes, des historiens, et pas simplement de cette discipline, vis-à-vis de la question de la folie pendant au moins une vingtaine ou une trentaine d'années, et peut-être encore jusqu'à aujourd'hui? Alors, l'ouvrage d'Erving Goffman, c'est un ouvrage de sociologie qu'il a pu réaliser en fait en allant directement regarder sur le terrain l'hôpital psychiatrique, et il propose une interprétation de l'hôpital comme étant une institution totale, pas totalitaire, contrairement à ce que certaines personnes ont pu penser, totale au sens où elle refait totalement, elle prend en compte totalement la subjectivité des personnes, et il étudie vraiment dans le micro-pouvoir, la micro-dynamique des institutions, comment ça se passe et comment on n'est pas dans un lieu de soins finalement, on est ailleurs, aussi dans un lieu de crise identitaire. 61, j'aimerais rappeler que c'est aussi le moment de la parution du livre de Thomas Sass, extrêmement important, peut-être moins connu également en France, sur le mythe de la maladie mentale, qui est un ouvrage aussi qui questionne fondamentalement, c'est un psychiatre, ce qu'est la psychiatrie, et le terme de mythe est extrêmement fort, là aussi on est sur une remise en cause de la mission, de la signification de ce qu'est la psychiatrie. Alors, pour remettre en contexte aussi la sortie de ce livre, hein, c'est 1961, le livre obtient un succès assez inattendu, et aussi des critiques, évidemment, et c'est aussi le moment de l'antipsychiatrie. Donc au début, il y a une certaine critique de la part des psychiatres, en tous les cas, à l'époque, et puis ce livre va être réapproprié d'une certaine manière, ce qui explique aussi d'ailleurs que Foucault va rééditer aussi son ouvrage après, en 1972, peut-être Hervé Guillemin, sur cette question du moment où est publié cet ouvrage. Comme s'il avait anticipé quelque chose, Michel Foucault. Le contexte de parution d'ouvrage est très très important, c'est Foucault écrit dans un moment finalement de gloire et de puissance de la psychiatrie française notamment. Les psychiatres se targuent de pouvoir guérir la folie enfin, notamment avec l'avènement des neuroleptiques à partir des années 1950. Et donc le récit de Foucault qui explique que la folie n'est pas quelque chose de biologique, d'universel, d'éternel, mais quelque chose de construit socialement, vient rencontrer en quelque sorte cette force de la psychiatrie des années 50 et 60. Et 1961, on est en pleine guerre d'Algérie, et ça n'est pas rien non plus, parce qu'on sait en vous lisant les uns et les autres combien les grands conflits du 19e ou du 20e siècle ont été générateurs de réflexions sur la psychiatrie, parce qu'ils ont fourni des contingents de personnes qui se trouvaient bouleversées sentimentalement, émotionnellement, par ces conflits, et qu'on a ensuite psychiatrisé, en l'occurrence, Philippe Artière. Oui, je pense que Hervé l'a bien dit, c'est-à-dire que ce moment-là, c'est à la fois un moment fort de la psychiatrie, mais un moment où la psychiatrie est en plein changement. Et ce changement, il est né à Saint-Alban, pendant la guerre, avec la psychothérapie institutionnelle, avec Bonafé. Saint-Alban pour les... Saint-Alban, c'est en Lozère, hein, c'est sur l'Aubrac. Donc c'est un lieu où à la fois vont se croiser des poètes, des maquisards et des psychiatres. Et Toscaïès est un catalan qui vient du front, et un psychiatre catalan, et qui va largement influencer influencé cette nouvelle psychiatrie française. Il faut pas non plus oublier que 61, évidemment, on est en pleine guerre d'Algérie, que Fanon quand même introduit la psychiatrie dans le discours anticolonial, qui quitte quand même en 55 l'hôpital de Blida. Il démissionne pour aller justement combattre parce que il considère que désormais il faut prendre les armes. Puisqu'on parlait aussi de cette archive, donc on évoquait la question des sources qu'utilise évidemment Foucault. Alors Foucault, le philosophe, Foucault, l'historien, il y a toujours un dialogue à la fois polémique ou admiratif à l'égard de Foucault. Où en sont les historiens par rapport à cette histoire justement de la psychiatrie à ce moment-là, avant que Foucault émette justement l'hypothèse, cette hypothèse du grand renfermement des fous dans la société. Hervé Guillemin. Oui, alors sur la question des sources, on a fait beaucoup de procès à Foucault, sans doute à tort. C'est vrai que beaucoup de ses travaux se fondent sur un travail sur les écrits médicaux, sur les discours savants. Mais si on regarde, par exemple, ce qui a été produit autour du cas Pierre Rivière, le parricide, on voit que Michel Foucault utilise des sources très très variées. Et il fait de la micro-histoire. Et il fait de la micro-histoire, en l'occurrence, dans le cas de Pierre Rivière. Il est vrai que, on est un demi-siècle après l'histoire de la folie et que on travaille beaucoup, nous tous, sur le 19e siècle et sur le 20e siècle, et que le 20e siècle, notamment, a produit énormément de nouvelles archives sur lesquelles ne travaillait pas Michel Foucault, notamment ces dossiers de patients qui sont représentés par kilomètres dans les hôpitaux psychiatriques français et qui permettent de faire à la fois une histoire de la folie, une histoire de la psychiatrie, mais aussi, je dirais, une histoire sociale à partir de l'entrée folie et psychiatrie. Oui, et d'ailleurs, les Archives nationales d'Outre-mer, sur le réseau Twitter ce matin, ont tweeté un dossier de patients pour expliquer qu'effectivement, ça croise, et on en parlera avec vous, Philippe Bartière, tout à l'heure, la question des colonies et la question de la psychiatrie sont des questions extrêmement intéressantes et très renouvelées. En l'occurrence, Aude Fauvel, quand on regarde à 55 ans, 60 ans de distance, cette œuvre majeure de Michel Foucault, on est impressionné, on se dit tout compte fait, elle mérite d'être interrogée, peut-être moins violemment qu'elle a pu l'être immédiatement après sa sortie ou dans les années 60. Comment l'appréhende-t-on ce maître ouvrage de Michel Foucault, l'histoire de la folie à l'âge classique ? Alors c'est vrai qu'on a eu sur le moment des historiens un peu querelleurs qui ont voulu reprendre mot à mot, point par point, en disant voilà, là c'est pas la bonne source, là c'est pas le bon terrain. Je pense qu'on est un peu quitté quand même cette manière de procéder et qu'aujourd'hui tout le monde rend grâce en fait, comme l'a dit Philippe, au fait que avec Michel Foucault, on change en fait de dimension, on change de regard. Comment ? Et pourquoi alors ? Alors on sort d'une idée, d'une histoire qui serait purement médicale, qui relève de la médecine, pour finalement se poser la question du rapport à l'autre en fait, de la constitution dans les sociétés contemporaines, du rapport à l'altérité et comment autour de la folie, de la déraison, c'est ça finalement qui se pose, comment les sociétés contemporaines n'excluent pas, comment elles se constituent dans leur rapport à l'autre. Même si un des points qu'on pourrait faire valoir à Michel Foucault, c'est que c'est une histoire qui se veut très universalisante, mais qui dans le fond est très française. Oui, et c'est cela peut-être aussi une des discussions qu'on peut avoir autour de ce grand livre, Philippe Bartière. Oui, il faudrait dire que d'une certaine manière, quand on parle de l'histoire de la folie de 61, on ne parle pas de l'histoire de la folie de 2019. Mmh. C'est-à-dire que la dernière édition de l'histoire de la folie, c'est dans le volume de la Pléiade, dirigé par Frédéric Gros, et que ce volume n'a pas grand-chose à voir. D'une certaine manière, pour être très... Avec la publication originale. Avec la publication, bon, il a à voir, évidemment, le texte est là, mais Foucault n'a cessé, en fait... De revenir sur ce livre. C'est le seul livre qui reprend comme ça, et qui reprend en fonction de sa réception et des malentendus de sa réception. Et ce premier moment, c'est le moment de la critique par la psychiatrie qui fait l'histoire de la médecine. Mais le deuxième moment, c'est évidemment... D'abord, il ne faut pas oublier que c'est une thèse. Mmh. C'est une thèse avec Georges Canguilhem. Mmh, absolument. Une thèse qui est faite en Suède, à l'étranger. Ah, et ça, qui finit en Allemagne. Dont on n'a pas d'ailleurs le manuscrit, Philippe Bartière. Non. Pour travailler dessus. On n'a pas le manuscrit. On a beaucoup de notes par contre à la Bibliothèque nationale de France désormais. Donc on peut très précisément faire le dossier génétique de cela. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre, pour être vraiment dans les pas de Roger Chartier, c'est un livre qui est progressivement bouge. Et on a, là, je l'ai apporté, parce qu'on a quand même, dès 64, un texte fameux, La folie, l'absence d'œuvre, dans la revue La Table Ronde, qui va rejoindre en 72 le livre, en annexe. On aura la polémique, évidemment, après le moment antipsychiatrique, avec cette espèce d'appropriation par les antipsychiatres. Et Foucault n'était pas antipsychiatre. Et avec donc ces débats avec Cooper et d'autres qu'on retrouve dans les dits écrits, qui sont certaines manières aussi des choses qu'il faut regarder pour lire aujourd'hui l'histoire de la folie, que font très bien les éditeurs du Pléiade. Et puis en 64, excusez-moi, mais l'histoire est longue. En 64, soudain, Christian Bourgois qui aura à cette occasion recevra de Foucault une gifle. Christian Bourgois édite en 10-18 un résumé. Un petit livre de poche avec une très belle couverture de Cicevich. Et puis, en 72, Vasarely fera la couverture. Elle est au Centre Pompidou en ce moment. Parce qu'il y a l'exposition de Vasarely, effectivement. Elle est avec un nouveau, non seulement la préface initiale qui avait été publiée par Ariès dans l'édition chez Plon disparaît au profit d'une nouvelle préface. Et puis... de la réponse à Jacques Derrida, puisqu'il y a une polémique avec Jacques Derrida qui est strictement philosophique. Et enfin, je dirais, il y a le cours Le pouvoir psychiatrique, oui. Et ouais. Les anormaux, qui viennent, encore une fois, rejouer ce livre. Donc, en fait, aujourd'hui, on est avec les archives... C'est un livre sans fin. Et c'est un livre qui, par ailleurs, dans ses traductions, il y a une nouvelle traduction américaine qui est parue il y a quelques années en anglais. Et donc, parce que sa traduction première était tronquée... Elle était très sociologique, disons. Et comme en Allemagne d'ailleurs. Et c'est ça. C'est. Je pense que c'est important aussi qu'on ait en tête qu'en fait c'est un livre qui a très peu appartenu à Foucault. Ouais. Même s'il était très français, il a circulé dans le monde entier, évidemment. Aude Fauvel, il faut peut-être revenir aussi sur certains des a priori qu'avait Foucault dans son travail, en particulier sur cette idée qui était l'idée de la séparation, cette idée qu'il avait mise en œuvre justement pour imaginer ces sociétés qui séparaient les fous du reste de la population, qui va être la grande colonne vertébrale de son travail. Vous avez travaillé après Aude Fauvel, et vous dites il n'a pas vu certaines choses, il n'a pas vu qu'il y avait peut-être au 19e siècle des tentatives, des espérances qui n'étaient pas justement toutes fondées sur l'enfermement, qu'on a fait une vision de l'open door qui a été développée dans certains pays, en Écosse par exemple, et que cela, Michel Foucault, ça ne rentrait pas, soit il ne l'avait pas dans sa documentation, mais en tout cas, ça ne participe pas à son propre travail sur l'histoire de la folie à l'âge classique. Oui, je dirais que de manière générale, moi, c'est pas le problème qui l'intéresse, mais Michel Foucault, finalement, se pose peu les questions de ses propres conditions de possibilité, c'est-à-dire quels sont les contre-pouvoirs. Il pense le pouvoir psychiatrique, mais il pense peu le contre-pouvoir, finalement. Il pense, ce qui l'intéresse, en fait, c'est vraiment la façon dont le fou est rendu captif à double terme par les discours et par les institutions. Mais comment, inversement, on peut sortir de ce discours? Comment on peut penser les contre-pouvoirs, l'évolution, l'histoire de la folie? Ça, il ne le pense pas, il le pense peu. Il pense peu aussi les autres voies et les autres discours, je dirais, à côté des élites, c'est quand même assez élitiste les sources qu'il utilise, et notamment la question des patients, quelle était leur marge d'action. Ouais. Tout le monde n'a pas forcément été d'accord avec l'idée d'être captif. Et aussi une vision assez monolithique, il faut bien le dire, du pouvoir psychiatrique, comme s'il avait toujours été uni et indivisible, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ses cours. Or, il y a toujours eu des dissensions dans le pouvoir psychiatrique, des voix différentes qui voulaient faire autre chose, et en particulier effectivement cette histoire française n'est pas ce qui a été partout. On a dans d'autres pays au contraire une histoire de la prise en charge en liberté des patients qui dès le 19e siècle par exemple en Écosse était à 30% déjà, il faut rappeler qu'il n'y a pas de neuroleptique à l'époque, pris en charge en liberté dans des structures qui ressemblent très fortement à ce qu'on appellerait aujourd'hui le secteur. Et donc justement vous Aude Fauvel, dans votre thèse, vous avez travaillé sur un cas en particulier, parce que vous avez trouvé, et ça c'est important pour l'historien, un fonds d'archives exceptionnel, ce que n'avait pas fait évidemment Michel Foucault, aller chercher des archives dans les asiles, ici et là. Avec le crime de Clermont, vous montrez ça, c'est-à-dire, bon, d'autres sources, hein, et notamment vous parlez des sources médiatiques, hein, qui sont extrêmement importantes. Alors là, on est plutôt vers la fin du 19e aussi, hein, c'est des recherches sur l'histoire de la psychiatrie de la fin du 19e. Et puis, effectivement, un système qui fonctionne bien autrement que ce que la loi nous dit, que ce que les psychiatres nous disent. Et puis, alors, fait exceptionnel également... vous allez nous en faire un petit peu le récit, mais du fait de ce crime, certains patients, et donc il y a une attention qui est portée aux patients, vont être interrogés. Et donc on va connaître un petit peu ce qu'ils vivent réellement dans ce fameux asile de Clermont. Alors finalement, dans le fond, c'est aussi ce que les gens n'ont pas vu chez Goffman, c'est qu'il n'y a pas que l'institution totale. Les gens, j'ai l'impression, n'ont pas lu la deuxième partie du livre, qui se pose la question de la négociation et où Goffman dit « toute institution totale produit des espaces de liberté, à moins de tuer carrément ses patients, mais là on entre dans une institution totalitaire ». Ça, c'est quelque chose qui est peu pensé, et on a peu pensé aussi le fait que l'asile, contrairement à ce qu'on a pu dire, est beaucoup plus ouvert. C'est un monde aussi ouvert, les familles, les proches, c'est un espace de travail, c'est un espace gigantesque. Il y a eu jusqu'à plus dans cet asile qui a été le plus grand de France, le plus grand d'Europe, le plus grand du monde, quasiment 5000 patients à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est énorme, c'est la totalité de la ville quasiment. Donc forcément, il y a entre guillemets des fuites, des contre-discours et en particulier des témoignages de patients qui sont un genre d'ailleurs à succès au 19e siècle, alors pas forcément en France, ailleurs, avec des mouvements de patients qui se constituent et des affaires médiatiques qui crispent en fait, où on a déjà des polémiques, où on remet en cause la psychiatrie déjà dès le 19e siècle. Et là, vous dites qu'il faut travailler sur une histoire plus longue, tous également. Il faut pas, c'est-à-dire justement cette contestation de la psychiatrie, elle s'élabore peu à peu. Il ne faut pas s'arrêter à un travail du début du 19e siècle, à la loi de 1838, comme ont pu le faire par exemple les historiens au départ. Hervé Guimain. Oui, c'est vrai que Michel Foucault travaille dans les années 60-70 sur une institution qui est encore très très asilaire, et donc il parle du grand renfermement alors qu'on est encore dans une grande période d'internement. Depuis 30 ans, on est passé probablement dans une phase plutôt de grand externement, c'est-à-dire on s'interroge beaucoup sur la manière dont les malades aujourd'hui se retrouvent dans la rue ou sur les nouvelles prises en charge à distance, en quelque sorte, de l'institution. Et donc, ça nécessite pour les historiens de s'interroger sur le dernier demi-siècle. Et puis, il faut dire, Philippe Artière, que le travail lent et patient que mènent les historiennes et les historiens pour retrouver des sources ou pour interroger à nouveau frais des sources anciennes qui n'avaient pas été perçues comme telles, est considérable. Vous-même, vous avez fait un énorme travail de recherche de sources pour pouvoir justement essayer de savoir comment on peut parler différemment de cette histoire de la folie à partir du moment où on retrouve des dossiers ou dans les interstices de ces dossiers, eh bien, les fous parlent, par exemple. Oui, alors il faut quand même rappeler qu'il y a une loi sur les archives et qu'on ne peut pas accéder à des dossiers médicaux à moins de 120 ans. C'est quand même une pour Foucault en 1960, c'était un peu rédhibitoire. Ça, c'est la première chose. Et c'est souvent et toujours compliqué. C'est-à-dire de faire une histoire de la psychiatrie sur l'après-guerre, c'est compliqué parce que les archives ne sont pas accessibles. Ça, c'est un premier point, il faut souligner. Ensuite, peut-être que effectivement, grâce aussi à, je dirais, un contexte très fort d'émergence, je pense à ce qu'on n'a pas parlé encore de Basaglia en Italie, c'est-à-dire que il faut imaginer des fous venir témoigner devant un tribunal. C'est-à-dire que l'émergence... C'était à quelle période, ça? Ah, ça, c'est quasiment contemporain de l'histoire de la folie, puisque Basaglia arrive à Gosilla en 63, je crois. En 61. Donc c'est vraiment... on est vraiment dans un moment... Vous préparez un grand colloque sur 61, voilà, pour 21. Et ça, c'est une chose importante. C'est aussi notamment, je pense à la psychothérapie institutionnelle, elle remet aussi le patient au centre au centre du travail de prise en charge de la santé mentale. C'est le moment de la sectorisation, alors, sur lequel on revient aujourd'hui beaucoup. Mais c'est quand même le moment où on se dit il faut faire sortir les fous de l'asile, comme Hervé l'a dit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de la folie à l'âge classique, elle est aussi énormément déterminée par ses sources. Par ses sources, mais aussi par un contemporain. Mmh. Et que aujourd'hui, je dirais que faire l'histoire de la psychiatrie, faire l'histoire de la santé mentale, dans le contexte de crise dans lequel on est, parce on que c'est ça, et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut, sur lequel il faut insister, c'est que là, c'est une nécessité. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. La chaise de Van Gogh, où tu ne t'assieds pas, les souliers de Vincent que tu ne chausses pas, l'oreille de ce mec qui ne t'écoute plus, ces corbeaux dans le blé d'une toile perdue. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions, couche dans son lit. Les larmes de cet arbre inquiet dans la forêt, la chaise de Vincent, de quel bois elle était. Les moutons de la rue se cachent en cache-nez, les ouvriers changent de disque sans débrayer. Je ne m'arrête plus quand je vois la folie. Je fais ses commissions et couche dans son lit. Les pas de cet enfant dans l'enfer de la fac, son sexe et sa vertu, sa pilule et son trac. Quand le vertige la pénètre et la dépasse sous l'œil double et glacé d'un vieux miroir de passe, c'est à ce moment-là que je perds la folie et que je reste seul avec mes yeux de fou. La folie de Léo Ferré, un titre de 1970 pour notre débat, donc au cœur de notre débat sur comment faire aujourd'hui l'histoire de la folie, près de 60 ans après la parution de l'histoire de la folie de Michel Foucault. Avec nos invités et avec vous, Séverine Yatard. Alors, une des questions qu'il faut peut-être poser maintenant, c'est qu'est-ce qui a changé? Vous nous aviez dit, juste avant ce titre de Léo Ferré, Philippe Artière, qu'on faisait l'histoire avec les sources, avec la vision que l'on avait dans le moment où on était en train d'écrire. Évidemment, ce moment n'est pas le même. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous? Je sais pas, Aude Fauvel, Hervé Guillemin, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qui vous permet de faire une autre histoire de la folie que celle qui a été produite en 1961. Puis ça dépend sur quelle période on travaille aussi, hein, si on travaille sur l'histoire de la psychiatrie récemment ou sur le 19e siècle, évidemment. Alors, il y a des choses qui n'ont pas changé. Il faut quand même rappeler que quand Yann Goldstein faisait justement son livre dans les années 80, on lui demandait toujours « Oui, mais alors d'accord, vous êtes pro ou anti-Foucault ?» Moi, quand je faisais mes études dans les années 2000, on posait cette question. On nous pose toujours un petit peu cette question qui, à mon avis, est une très mauvaise question. Oui. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, on ne l'a pas posée, vous remarquerez. Et merci, on ne l'a pas posée. Mais bon, alors, plus sérieusement, ce qui a changé aujourd'hui, je pense aussi, c'est un certain contexte psychiatrique. Alors, on est de nouveau dans une crise. Je dirais que peut-être presque le concept de crise à la psychiatrie, c'est presque un concept cyclique qui revient régulièrement depuis en fait la création de la psychiatrie. avec quand même une nouveauté, c'est l'accent mis sur la place des usagers, qui, en tout cas en France, est assez récente. Et ça, dans le fond, je pense que aussi bien d'ailleurs Hervé que moi, le type d'histoire qu'on écrit est à la fois rendu possible par le contexte, comme c'était aussi le cas de Michel Foucault, qui lui était dans un contexte à la fois de gloire et de tension de la psychiatrie. Nous, on est dans ce contexte où il y a d'autres voix qui s'expriment, donc on en est tributaire, et quelque part, on contribue aussi, en fait, à la réflexion sur ces problématiques. Hervé Guillemin. Oui, il y a aussi d'autres choses qui ont changé profondément. L'institution psychiatrique s'est affaiblie. On a par exemple réintroduit le savoir de la justice récemment dans les procédures d'hospitalisation sous contrainte. On a également affaire à une offensive, je dirais, de la psychiatrie américaine. Au moment où meurt Foucault, sort la grande version du manuel diagnostique et statistique de la psychiatrie qui surclassifie en quelque sorte nos maladies mentales. Foucault travaille beaucoup sur le 19e siècle, à une époque où les aliénistes, on les appelait comme ça avant les psychiatres, envisageaient qu'il n'existe qu'une forme de maladie mentale, peut-être 4 ou 5 formes. Aujourd'hui, avec le DSM, on en est à 350 formes. C'est quoi le DSM ? Le manuel diagnostique et statistique des maladies mentales, qui est on va dire la bible de la psychiatrie américaine et internationale, et qui en quelque sorte donne le cadre de codification de chacun des troubles psychiques qui touchent les individus, notamment en France. Hein, les psychiatres français utilisent cette manière de coder en quelque sorte les troubles psychiques. Et donc c'est vrai que les historiens aujourd'hui s'intéressent beaucoup aussi à la manière dont on a classifié, dont on a intégré de nouvelles maladies mentales dans la Vous-même, la schizophrénie, donc pour le livre que vous avez publié chez Alma Sévrignata. Et puis, il semblerait que vous travaillez aussi beaucoup sur la contestation de ce système, aussi par certains psychiatres, au cours de ces années, ils sont pas nombreux, mais ils vont le devenir, du rôle des patients qui se révoltent, des médias, de la presse. On en parlait avec vous, Aude Fauvel, parce que finalement, cet imaginaire de la folie, cette représentation de la folie, elle est peut-être pas celle qu'on croit dans la société, dans l'opinion publique, notamment à la fin du 19e siècle. Et puis, d'autres professionnels que les psychiatres, et notamment, c'est vous, Hervé Guillemin, vous en traitez dans ce collectif que vous venez de publier au Pur sur la question de comment faire l'histoire de l'asile aujourd'hui. Les infirmières, par exemple, dont on ne parle jamais, qui sont au contact, voire les plus proches des patients. Oui, ce qui est certain, c'est que là où peut-être Michel Foucault décrit une institution un peu monolithique, un peu générique, nos travaux tentent à montrer qu'il existe une diversité de culture du soin, soit en fonction effectivement des professionnels qui l'exercent, soit aussi en fonction des lieux. Il faut relocaliser en quelque sorte l'histoire de la psychiatrie pour montrer que dans, je dirais, l'infraordinaire de la loi, dans l'infraordinaire de cette institution générale, il existe, comme le disait tout à l'heure Aude, des espaces de liberté et des professionnels qui peuvent agir différemment. Et oui, effectivement, et ça c'est toute l'application de la recherche dans ce qu'on appelle l'empowerment, c'est-à-dire la capacité d'agir des acteurs dans un cadre qui est un cadre contraint, mais qui leur permet néanmoins, par des interstices, de continuer à soit à contester, soit à trouver des espaces de liberté dans un endroit qui ne l'est pas, en l'occurrence. Et ça fait partie de ces grandes nouveautés depuis maintenant une quinzaine ou une vingtaine d'années qui permettent de réfléchir à un nouveau frais. Oui, mais c'était aussi chez Foucault. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de dehors chez Foucault, comme on le sait. Il n'y a pas de dehors au pouvoir, mais il y a de la résistance. Et c'est une des pistes qu'il a quand même largement ouverte et qui me semble très extrêmement féconde aujourd'hui. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce soit d'ailleurs sur la question pénitentiaire ou la question psychiatrique. Parce qu'il faut dire qu'il travaillait sur les deux. Il travaille sur les deux en même temps et il a pas tort, parce qu'aujourd'hui, je dirais qu'il y a plus de fous en prison que dans des structures psychiatriques. Je le dirais de manière un peu provocatrice, mais que cette question de la santé mentale en détention, elle est extrêmement vive. Alors quand même, pour Il y a quand même un terme qu'on n'a pas utilisé, qui est important. On a parlé des médicaments, hein, qui arrivent au milieu des années 60. Mais on n'a pas parlé de la psychanalyse. Oui. Or, ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette histoire de la psychiatrie, aujourd'hui, elle est, j'en veux pour témoin, par exemple, le séminaire de nos collègues au Centre Coiré, avec Jacqueline Carrois. À l'École des études de l'action sociale. Oui, c'est ça, avec aussi Jean-Christophe Coffin. C'est psychologie, psychanalyse, psychiatrie. Oui. C'est-à-dire que, on s'aperçoit que ce ne sont pas des histoires qui sont parallèles, mais que ce sont des histoires mêlées. De même, c'est extrêmement important dans un contexte, encore une fois, le 26 mars, la nouvelle loi santé va être votée. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a programmé cette série d'émissions. Bon, bah, la question des infirmiers, la question des soignants qui ne sont pas les médecins, etc. Quels gestes ils peuvent faire, tout ça. Eh bien, et la place des patients. Elle est évidemment, absolument centrale. Et je pense qu'il y a des effets forts du présent sur nos propres questionnements. Et nos propres questionnements d'aller écouter la parole singulière dans les dossiers médicaux. Qu'encore une fois, cette question des sources, elle est très complexe parce que, évidemment, il y a effraction. Il y a effraction d'un secret. Du secret médical, il y a effraction aussi. Non, mais il faut pas oublier que quand même dans une famille, c'est une tâche. Le grand-père qui est mort d'un ouais. Ok. Donc ça, c'est quand même aussi plein de résistance à ça. Et je pense que c'est important que les historiens et les historiennes puissent à un moment donné donner aux malades sa place dans l'histoire, et ils le font très bien d'ailleurs, Séverine Attard. Le fait aussi que les historiens, il semblerait, se soient intéressés à l'événement comme rupture dans cette histoire de la psychiatrie. Parce que finalement, Foucault, il nous propose un système un peu général. Et puis, dans ce système, il faut prendre certaines choses, des articulations, des problématiques comme ça qui émergent. Mais je pensais, Hervé Guillemin, tout ce qui concerne les travaux qui ont été faits sur la Première Guerre mondiale, par exemple, ou la Seconde Guerre mondiale, ça provoque des ruptures dans ce système, dans ce grand système d'enfermement psychiatrique développé par Foucault, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu la manière dont les patients dans les dossiers des hôpitaux se représentent l'histoire, ils se le représentent beaucoup en insistant sur les ruptures, en termes de trauma, là où les psychiatres, et peut-être Michel Foucault, se représentent dans la longue durée. Et effectivement, la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale ont joué un rôle, alors non pour la Première Guerre mondiale, non pas tant comme, on va dire, préfiguration, ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress post-traumatique, ça c'est un petit peu anachronique à mon sens, mais plutôt comme une des étapes qui montre qu'on peut tenter de soigner, de prendre en charge les malades mentaux sans forcément les interner. C'est notamment alors le pourquoi temps... Pour des raisons pratiques Pour des raisons pratiques, oui, parce que les soldats, dès l'instant qu'on les interne, ils sont en quelque sorte sortis de l'armée, et donc c'était pas une bonne idée en temps de grande guerre. Et puis un afflux important. Exactement, un afflux très très important de soldats atteints de troubles psychiques et nerveux, et donc il s'agissait de les prendre en charge sans les interner, et donc on a inventé pendant un temps relativement bref, des services libres qui permettaient de les prendre en charge. Et donc, en quelque sorte, la Grande Guerre a joué un rôle, a été une étape très importante dans la réforme de l'hospitalisation psychiatrique. Aude Fauvel, sur cette question de l'événement, justement. Oui, alors je rejoins complètement Hervé. Je pense aussi qu'il y a une question qu'on a peu soulevée pour le moment, c'est la question aussi de l'historicité, y compris des délires. On pose un peu le délire et la déraison chez Foucault comme un tout également unique. Par exemple, Lormura a très bien montré qu'il y a une perméabilité, il y a une histoire à faire. On se prend pour Napoléon après les guerres napoléoniennes. Il y a des choses à faire, à travailler. On a parlé de Jacqueline Carrois sur l'historicité des rêves aussi. Ah, ça c'est formidable. La façon dont les gens rêvent et pénétrer l'histoire, donc il n'y a pas non plus une folie, voilà. Il y a de l'événement qui joue aussi dans le nœud même du délire. Oui, et donc effectivement, cela change beaucoup la vision que l'on peut avoir. Vous travaillez par exemple sur le cas de René. Vous nous racontez un peu cette histoire de René, Philippe Artière, qui est interné à Blida. Et qui, là, c'est une rupture. Va devoir quitter l'Algérie, par exemple, parce que on va rapatrier, ce que je ne savais pas avant de vous lire, on va rapatrier certains, ou est-ce que c'est la totalité de ceux qui étaient internés en Algérie à partir du moment de la décolonisation. Donc il y a des dossiers, par exemple, qui se retrouvent en Algérie aujourd'hui, de certains qui ont été internés avant la décolonisation, d'autres qui se retrouvent en France. C'est assez compliqué. Oui, ça illustre bien, je crois, le fait que l'histoire de la psychiatrie a rejoint l'histoire. Et que, à certains égards, et la guerre, la Première Guerre mondiale, Foucault, par exemple, ne dit rien de la Révolution française. La Révolution, Chartier le montre très bien dans un article sur l'histoire de la folie, enfin, d'une manière générale. Il montre la non-importance pour Foucault de la Révolution française. Je crois que ce qui est là intéressant, c'est qu'en fait... Et la Seconde Guerre mondiale, avec toute cette histoire qu'on a évoquée sur Saint-Alban, mais aussi la guerre d'Espagne, mais aussi le fait que, par exemple, Basalia soit dans une zone frontière, et que, cette zone frontière de Trieste, eh bien, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une géographie aussi. Il y a une géographie. Et donc, c'est vrai que la guerre d'Algérie, c'est pas seulement Frantz Fanon. La guerre d'Algérie, c'est d'abord pour nous tout un champ qui s'est ouvert, enfin d'histoire coloniale et d'histoire psychiatrique dans le domaine des colonies, qui s'inscrit totalement dans l'indigénat, dans le code d'indigénat. Mais aussi, c'est comment ça se passe quand il y a 1 million de personnes qui arrivent en France. Entre 60 et 63, et 62. Et puis après, il y a tout ce qui reste, c'est-à-dire les vieillards et les malades mentaux. Parce que, évidemment, on ne les emmène pas, on ne les prend pas. C'est ça qui est le plus terrible. C'est qu'il y a beaucoup de familles qui ne pouvaient pas prendre. Et donc, ils restent là. Et les autorités algériennes, de l'époque, en 63, elles disent, maintenant, c'est gentil, mais vous allez nous vider un petit peu les hôpitaux. Les asiles. Et donc, de Blida, notamment, qui est le grand hôpital d'Algérie, vont venir des convois de plusieurs centaines de patients et répartis dans toute la France. Et donc, on peut imaginer ce que ça a pu constituer. Que de quitter le pays où on avait vécu. Là, en l'occurrence, c'était le cas de tous ceux qu'on a appelés plus tard les pieds noirs, mais aussi, en l'occurrence, pour pouvoir être dispersés sur le territoire dans des institutions psychiatriques que l'on ne connaissait pas, avec des gens que l'on ne connaissait pas non plus. Avec des gens qu'on ne connaissait pas, avec une histoire, puisque quand même l'histoire du sujet est quand même très centrale dans cette psychiatrie des années 60. Mmh. Il y a beaucoup de psychiatres qui sont des psychiatres, qui sont férus de psychanalyse, etc. Ils arrivent... Ils voient des sujets qui leur sont totalement étrangers. Bien et sûr. Je pense que c'est très intéressant par rapport à la situation actuelle. C'est-à-dire que, comme le disait Haute, c'est cette question quand même majeure de l'altérité. C'est-à-dire la psychiatrie peut nous permettre peut-être de faire une histoire de l'autre. Mmh. Hervé Guillemin, donc on voit bien tous ces nouveaux champs qui se sont ouverts. Il y en a d'autres que vous percevez encore qui permettraient justement, là encore, de renouveler profondément le regard que l'on a. Pas simplement les sources, pas simplement des nouveaux questionnements, mais peut-être, des nouvelles approches en relation justement avec les malades que l'on va voir, avec lesquels on discute. Alors il y a d'abord le champ chronologique qui s'est ouvert considérablement. Les historiens travaille de plus en plus sur les années 70 et 1980. Nous, justement, on a même fait juger les fous au Moyen-Âge, vous voyez, en début de cette semaine. Mais donc... pour étudier notamment ce qui semble vrai basculement vers la fin de ce qu'on a pour appeler l'hospitalocentrisme, la fin de l'Asie dans les années, à partir des années 80, ça me semble extrêmement important. Le deuxième chantier qui me semble extrêmement important, en haut, on en a déjà un petit peu parlé, c'est de faire une histoire du point de vue des patients et intégrant justement l'expérience du patient psychiatrique, y compris la manière dont ce sujet psychiatrique joue un propre rôle, son propre rôle dans l'histoire. Donc ça me semble être deux choses importantes. Après, moi, ce qui m'intéresse beaucoup particulièrement, c'est justement de faire une histoire des maladies et de revenir sur ce qui peut-être n'intéressait pas tellement Michel Foucault, c'est-à-dire cette distinction entre les différentes catégories de la classification psychiatrique. C'est comment on est passé de 4 maladies ou 5 maladies, comme vous le disiez tout à l'heure, à combien maintenant vous dites avec... À plus de 350 aujourd'hui. Et on voit bien qu'on a affaire à un terrain qui bouge en permanence. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien comment, que ce soit le trouble borderline ou le trouble bipolaire, semble prendre une place extrêmement importante dans notre société, ce qui n'est pas le cas évidemment au XIXe siècle, sous d'autres termes, la folie circulaire où les états limites étaient interprétés différemment. Et travailler sur les nouvelles pratiques, peut-être justement médicales, de comment guérit-on, où essaie-t-on de guérir la folie, donc tout ce qui concerne, parce que ça aussi il y a une histoire longue à faire en fait par rapport à aux solutions qui sont proposées du 19e siècle à nos jours. Haute-Fouvelle. Oui, alors il y a toute une histoire qui a été peu faite du soin et des gestes, alors qu'il y a une histoire qui est un petit peu difficile à faire parce que voilà, on n'était pas là, mais il y a aussi une nouveauté qui se fait ces derniers temps, c'est de travailler sur l'histoire matérielle en fait de la psychiatrie, pas seulement sur les discours, pas seulement sur les dossiers, mais aussi sur tous ces objets qui ont été laissés. On a des caisses entières, par exemple, des objets des patients laissés dans les hôpitaux. On a tous les objets de soins, les objets de cours, etc., le soin infirmier, qui nous permettent de rendre une histoire un peu plus incorporée de ce qu'a pu être le vécu des personnes, mais aussi le soin, comme vous l'avez dit. Concrètement, qu'est-ce qu'on essayait de faire pour les guérir? On a toute une histoire de la barbarie psychiatrique qui a été un petit peu faite, mais on n'a pas l'histoire du quotidien et des essais un petit peu de réinsertion qui ont pu être tenté au cours du temps et au cours d'un temps qui est effectivement long puisque tout ça débute il y a très longtemps. Ouais, vous travaillez, il y a des instances internationales de recherche en histoire de la psychiatrie dans lesquelles vous êtes des congrès internationaux et quelque chose qui ressemble à ça, à Haute-Fouvelle? Alors, il y avait une défunte section d'histoire de la psychiatrie au sein de l'association des psychiatres mondiales qui vient d'être reformée, donc il y a ça qui existe. Il y a quelques associations sur l'histoire de la médecine. C'est quelque chose, moi quand j'ai commencé à travailler il y a peut-être 15 ans sur ces sujets, on était encore assez seuls. Maintenant, c'est de nouveau un point qui fait débat. On a parlé tout à l'heure de la crise de la psychiatrie. Je pense que les historiens ont vraiment un rôle à jouer là-dedans parce qu'on est quand même dans des espaces qui restent extrêmement stigmatisés. Malgré tout, le public a toujours peur du fou dangereux. On a un ancien président qui avait proposé carrément de ficher les gens, il faut le rappeler hein, tout de même, mais qui est stigmatisé aussi dans l'autre sens. Je pense que le psychiatre le plus célèbre peut-être c'est Hannibal Lecter, avec cette double peur du fou dangereux d'un côté, du psychiatre qui manipule tout le monde de l'autre. Et je pense que le rôle de l'historien il est aussi de participer à la déstigmatisation et à la nuance. Et puis aussi vous dites, Haute-Fouvelle, il faut absolument sortir aussi du cadre national. C'est une histoire qui doit être sur le long terme, et aussi qui doit s'ouvrir, notamment à d'autres pays européens, mais pas seulement, pour mieux comprendre comment, finalement, on traite, chaque société a traité et traite ses fous. Alors, je vais donner un exemple qu'Hervé continuera. Par exemple, effectivement, les guerres et les traumatismes de guerre, comment les populations circulent, comment il y a aussi là des jeux qui se font, des contacts, et sans doute qu'Hervé peut en dire plus là-dessus. Très brièvement, Hervé Guimard. Oui, il y a une histoire des déplacements de populations, en fait. Comme le disait tout à l'heure Philippe, ces populations psychiatrisées sont déplacées sur le territoire national comme à l'international. Et donc, en suivant le parcours des patients, je pense que là, on a effectivement un objet d'avenir pour les recherches. Merci à tous les trois d'être venus pour ce débat, donc, qui nous permet de savoir comment cette histoire de la psychiatrie et de la folie a pu évoluer depuis 60 ans et l'apparition de l'histoire de la folie de Michel Foucault. Demain, vous concluez avec Séverine Cassard. Séverine Yatta, vous concluez cette série avec un cas particulier. Un cas.